Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Nous allons revenir ce soir dans le livre du prophète Daniel et spécialement dans le chapitre 7 de ce livre de Daniel. Le chapitre 7 est le chapitre le plus important du livre de Daniel. Nous sommes véritablement ici au cœur de la révélation qui a été donnée à cet homme de Dieu. Et je voudrais lire quelques versets, nous aurons l'occasion d'y revenir, et vous dire tout de suite qu'il faut lire ce chapitre 8 du livre du prophète Daniel, du chapitre 7 du livre du prophète Daniel, en parallèle avec le chapitre 2 que nous avons étudié jusque maintenant. Ce sont deux chapitres qui reprennent un peu le même processus, et notamment cette question des quatre empires que nous avons déjà évoquée. Néanmoins, il est intéressant de se pencher aussi sur ce texte, parce qu'il nous donne un certain nombre de détails que le chapitre 2 ne nous donnait pas. Et nous allons voir l'importance de l'étude de ce chapitre pour la compréhension du Nouveau Testament, parce qu'il y a là aussi des notions qui sont fondamentales dans le Nouveau Testament, fondamentales dans notre foi chrétienne, et la compréhension de ce chapitre 7 du livre de Daniel nous permettra peut-être de comprendre un peu mieux ces notions fondamentales qui sont celles de notre foi. Lisons donc, si vous le voulez, à partir du verset 2. Daniel prit la parole et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les quatre vents du ciel firent irruption sur la grande mer. Quatre énormes bêtes sortirent de la mer, différentes les unes des autres. La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je regardais, tandis que ses ailes étaient arrachées, elle fut enlevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait trois côtes dans la gueule entre ses dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais, et voici une autre, comme un léopard, avait sur le dos quatre ailes d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une quatrième bête, terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme les yeux d'un homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous allons arrêter jusqu'ici notre lecture. Nous la reprendrons, je ne sais pas si on aura le temps de le faire ce soir, sinon nous continuerons demain sur ce thème. Quatre bêtes, quatre animaux terribles qui sont à mettre en parallèle avec les quatre métaux qui constituait la grande statue dont nous avons parlé à partir du chapitre 2. Ces quatre métaux, nous l'avons vu, représentaient quatre empires. Et les quatre bêtes dont il est question ici représentent ces mêmes quatre empires. Les deux visions sont à mettre exactement en parallèle. La première remarque que je voudrais faire, c'est que il s'agit de quatre animaux qui surgissent des quatre vents des cieux. Cette notion indique que ce sont des animaux qui ont une portée ou, disons, une domination universelle. Quatre étant le chiffre de la terre, de l'ensemble de la terre habitée. quatre vents des cieux, c'est-à-dire les quatre points cardinaux. Et ici, c'est toute la terre qui est intéressée par ce qui va se passer et ce que le prophète voit dans sa vision. Deuxième remarque, il nous est dit que c'était pendant ces visions nocturnes que ce rêve lui a été donné, pendant la nuit. Les sages qui ont commenté ce texte nous disent « La nuit dont il est question, c'était la nuit de l'exil. » Et l'exil, le dernier exil notamment, c'est le plus long, celui qui est semblable à une nuit interminable, cette nuit qui est seulement en train de s'achever maintenant. L'expression « quatre vents des cieux » signifie aussi que derrière ces empires à prétention universelle, disons les choses comme ça, il y a des puissances spirituelles. Les vents, ruach en hébreu, ça peut aussi se traduire par esprit. Quatre esprits. Et ces esprits sont des esprits bestiaux, féroces. Nous retrouvons ce caractère de férocité que nous avons déjà aussi rencontré dans la grande statue. Quand Daniel nous dit que cette statue avait un aspect terrible. Mais là, il y a encore une insistance plus forte sur ce caractère terrible des empires, en ce sens qu'ils sont incarnés, représentés par quatre bêtes féroces, parmi les pires que l'on puisse trouver. C'est une manière de nous dire que les empires humains, et notamment plus ces empires sont puissants, et plus ils ont un caractère bestial, ils ont un caractère inhumain. Et ce caractère bestial, violent et inhumain, est dû au fait qu'ils sont animés par des puissances, par des esprits de ténèbres. Il ne faut pas s'en étonner. Nous en avons parlé ce matin en disant, en citant cette parole de Satan à Jésus dans le désert, quand il lui a affirmé « Tous ces royaumes m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. » Plusieurs autres passages de l'Écriture nous rappellent que Satan est bel et bien le prince de ce monde. Lorsque Jésus va aller à la croix, dans l'évangile de Jean, chapitre 12, il nous dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. » Satan est le prince de ce monde. Et derrière toutes les puissances politiques qui agitent l'humanité, il y a la puissance de l'adversaire, il y a la puissance de Satan, il y a ces esprits de ténèbres qui font en sorte que tous ces pouvoirs sont des pouvoirs bestiaux, des pouvoirs tyranniques et des pouvoirs tout simplement sataniques. Autre remarque, ces quatre bêtes, ces quatre empires, elles viennent de la Grande Mère. L'expression « la Grande Mère » dans la Bible signifie la Méditerranée. En opposition avec des mers plus petites, telles que par exemple la mer Rouge, la mer Morte, ou la mer de Galilée, c'est-à-dire un lac. Parler de la Grande Mer, c'est parler de la Méditerranée. C'est-à-dire que ces quatre empires, ils ont pour origine la Méditerranée. Maintenant, la Grande Mer, c'est aussi dans la typologie biblique, une réalité négative. Les Hébreux n'ont jamais été des marins. Pour une bonne et simple raison, c'est que la côte d'Israël est parfaitement rectiligne, mis à part dans la région de Haïfa. De telle sorte qu'il n'y a pas d'abri naturel pour établir des ports, comme c'est le cas par exemple en Phénicie, Tyr, Sidon et d'autres lieux semblables, qui est une côte beaucoup plus découpée. De telle sorte que sur la côte méditerranéenne d'Israël, il y a toujours une mer extrêmement agitée et extrêmement dangereuse. La mer est, pour les Hébreux, l'image de quelque chose de mouvant, de quelque chose d'instable, en quelque sorte du chaos, de la mort et de l'abîme. Et dans cette mer, cet abîme, laquelle mer disparaîtra dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre que voit Jean dans l'Apocalypse, il nous est dit que la mer ne sera plus. La mer, c'est le chaos. La mer, c'est l'endroit où résident les puissances du mal, c'est en d'autres termes la mort. Dire que la mer ne sera plus dans la nouvelle terre, c'est dire la mort ne sera plus. Et voilà, ces quatre animaux diaboliques, ils sortent de la mer, ça veut dire ils sortent de l'abîme, de cet endroit qui est la résidence des puissances des ténèbres par excellence. Un certain nombre de textes prophétiques, notamment Ésaïe 28, Ésaïe 50, un certain nombre de psaumes, tels le psaume 74 ou d'autres, évoquent le fait que lorsque le Seigneur au commencement a créé le monde et qu'il a fait sortir ce monde du chaos qui était au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel reposait, voltait au-dessus des eaux. Ça veut dire que les eaux qui représentaient le chaos remplissaient la terre entière au commencement. Et pour pouvoir créer le monde, Dieu a dû séparer le sec d'avec la mer, et c'est sur le sec que la vie, et notamment la vie animale et la vie humaine, est apparue en dernier ressort. Et par contre, dans cette mer qu'il a domptée, dans cette mer qui était le type du chaos et des puissances des ténèbres, Dieu a enfermé des monstres marins. Nous lisons ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, où nous est dit que le cinquième jour, Dieu a créé dans la mer, on dit en hébreu, des taninim agdolim. Alors on traduit des monstres marins, c'est pas tout à fait exact. Tanin, en hébreu, c'est un reptile, c'est un lézard. Gedolim, ça veut dire grand, des grands lézards. Ça veut dire que c'est exactement, presque exactement en tout cas, l'équivalent du terme grec dinosauros. Sauros, ça veut dire un reptile, dino terrible, terrible reptile. Et j'ai un petit-fils qui s'intéressait beaucoup aux dinosaures. Il me demandait, est-ce qu'il est question des dinosaures dans la Bible? Et bien, je lui dis oui, il est question des dinosaures. Et beaucoup de ces dinosaures, on le sait, étaient des animaux marins. Il y avait aussi des animaux terrestres. Et voilà donc ces dinosaures, ces terribles lézards, ces terribles reptiles, étaient cette incarnation des puissances des ténèbres. Et Dieu les a enfermés dans la mer. La mer, de quelque sorte, est devenue leur prison. Et de cette mer, eh bien, vont sortir un certain nombre de bêtes féroces qui vont venir ravager la terre. Puissance des ténèbres animée par ces quatre esprits qui sont aux quatre coins de l'univers. Ça veut dire ces quatre vents, ces quatre esprits, ils contrôlent toute la terre. Le monde entier, c'est la puissance du malin, nous dira l'apôtre Jean. Et par conséquent, ici, il va y avoir un déferlement de ces puissances des ténèbres au dernier temps. Quatre empires qui sont en même temps des empires humains, des puissances politiques nationales. Et la description qui nous est faite de ces quatre empires, leur succession chronologique, correspond exactement à ce que nous trouvons dans la vision du chapitre 2, où il est question des quatre métaux. Le premier de ces empires, le premier de ces animaux, est un lion. Un lion qui va connaître toute une évolution assez étonnante. Il va, après avoir été un animal particulièrement féroce, le lion en effet est l'image même de la férocité. Mais ce lion, on va lui donner un cœur d'homme, il va subir une espèce de transplantation cardiaque. Et il va se tenir debout comme un homme. C'est une allusion à aux visions précédentes de Daniel, qui avait vu le roi Nebuchadnezzar devenir fou. Le roi Nebuchadnezzar qui incarnait justement l'Empire babylonien et qui va sombrer 7 ans dans la folie et qui, après avoir retrouvé la raison, après s'être humilié devant Dieu, va devenir un homme qui va avoir la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui s'est exactement passé dans l'histoire? Ça, l'histoire profane ne nous le dit pas. Mais ce roi a subi quelque chose de tout à fait spécial qui nous est rapporté dans les chapitres précédents du livre de Daniel. Le deuxième empire, c'est un empire qui est représenté par un ours. Il y a aussi des détails qui nous échappent un peu. Il était couché sur un côté. Il avait 3 cornes dans la gueule qu'il dévorait. Bon, sans doute, c'est une allusion à un certain nombre de conquêtes qui ont été effectuées par cet empire-là, qui est évidemment à assimiler avec l'empire médo-perse, semblable à la poitrine d'argent dont nous avons parlé hier. Puis ensuite vient un troisième animal féroce, semblable à un léopard d'ailleurs un peu spécial, puisqu'il a 4 têtes. C'est quand même pas très courant de voir des léopards à 4 têtes. Mais évidemment, là, on est dans la symbolique. En plus, il nous est dit que c'est un animal qui a des ailes. Ça veut dire qu'il se déplace extrêmement rapidement. Et là, tous les exégètes sont d'accord pour reconnaître qu'il s'agit d'une présentation imagée d'Alexandre le Grand, lequel était semblable à un animal extrêmement rapide, ce qui est absolument extraordinaire dans l'épopée d'Alexandre le Grand, c'est la rapidité avec laquelle il s'est taillé cet immense empire qui allait depuis la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde. Et c'est la raison pour laquelle il nous est dit que cet empire était présenté par un léopard, qui est un animal extrêmement rapide, et pour encore ajouter à cette rapidité, il avait des ailes. Un autre texte nous dira qu'il ne touchait même pas terre, tellement il allait vite. L'historien Flavius Joseph nous raconte que lorsque Alexandre le Grand a conquis la Judée, et notamment Jérusalem, il a fait une entrée triomphale dans cette ville. La politique d'Alexandre le Grand, c'était de respecter les religions nationales des pays qu'il conquérait. Par conséquent, il n'a pas du tout interféré dans le culte juif qui se déroulait à Jérusalem. Et Flavius Joseph nous dit que lorsque Alexandre s'est approché de Jérusalem, le grand prêtre est sorti à sa rencontre avec un cortège de prêtres pour l'accueillir dignement, et au moment où il l'a rencontré, il lui a montré dans le livre du prophète Daniel l'endroit où il était question de lui, et c'était l'histoire de ce léopard. Ce qui montre que si cet épisode est vrai, on n'a pas de raison de le mettre en doute, puisque c'est quand même un historien sérieux qui le rapporte, alors le livre de Daniel existait déjà à cette époque. Donc ici, troisième empire. Et puis ensuite, nous retrouvons une quatrième bête. Et cette quatrième bête, elle est différente de toutes les autres. Elle est différente d'abord parce qu'elle ne correspond à aucun animal connu. Même si ce sont des animaux un peu fantastiques, ce sont quand même des animaux qui sont relativement faciles à repérer. Un lion, un ours, un léopard, tout le monde sait ce que c'est. Mais le quatrième animal, il n'est assimilable à aucun animal connu sur la Terre. Il a 10 têtes, il a 10 cornes. Je n'ai jamais vu un animal comme ça, moi non plus, je suis heureux. ne l'aura jamais rencontré au coin d'un bois. Il a des dents de fer et des ongles de fer. Ça aussi, on n'a jamais vu un animal pareil. Très intéressant de noter justement que ses dents et ses ongles sont de fer. Le fer, nous l'avons déjà rencontré avec le quatrième empire, n'est-ce pas? Le quatrième empire, il était représenté, il était symbolisé par des jambes et des pieds de fer. Donc, de force brutale. Alors, nous pouvons conclure, sans l'ombre d'un doute, que ce quatrième animal correspond au quatrième empire de la statue. Maintenant, il est intéressant de noter qu'avec ses ongles de fer, il foule et il broie absolument tout. Et cet empire, il est également cité par Jésus dans les discours apocalyptiques qu'il a prononcés sur le mont des Oliviers. Notamment, quand Jésus, nous l'avons vu ce matin, assimile ce quatrième empire avec l'empire romain, il déclare ceci. Les habitants de Jérusalem tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Allusion à ce texte que nous avons lu, la bête qui avec ses ongles de fer foulait aux pieds tout ce qui tombait sous sa portée. Ça veut dire dominer, dominer d'une manière brutale, d'une manière autoritaire sur tout ce qui tombait à sa portée et notamment sur Jérusalem, sur la ville sainte. Jérusalem, la ville sainte, et particulièrement le temple. Nous allons poursuivre maintenant notre lecture, et le verset 9 nous dit ceci. Je regardais. Pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête pur comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, mille milliers le servaient, des myriades se tenaient en sa présence, des juges s'assirent et des livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à un certain temps. Je regardais, pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur, la royauté, tous les peuples et les nations et tous les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, mes visions m'épouvantèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de certain dans tout ça. Il m'en fit connaître l'explication. Ces énormes bêtes, qui étaient au nombre de quatre, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de fer, et qui mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qui étaient sur la bête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle 3 autres étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux, une bouche, qui parlait avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je regardais cette corde faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours pour rendre justice aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. S'arrêtons là pour le moment notre lecture. Daniel, qui a donné l'explication de la vision du roi Nebuchadnezzar, est lui-même troublé par la vision qu'il a en personne. Et bien qu'il soit un sage, il a besoin d'une explication qui lui est donnée par l'ange. Et l'ange va lui accorder cette explication. 4 empires, donc, qui s'élèveront sur la terre, et un quatrième empire qui sera le pire de tous. C'est un petit peu la même idée que nous avons rencontrée dans la vision de la statue, où on va de l'or à l'argile, ça veut dire qu'il y a une dégradation de la civilisation humaine. Non pas un progrès, mais bel et bien une dégradation, le contraire d'une évolution. Et là, c'est le même processus qui est représenté et rappelé par l'ange. Les animaux qui se succèdent sur la terre sont de plus en plus féroces. Et on arrive au quatrième animal qui met le comble à cette férocité des empires. Et qui le fait notamment parce que, comme le montre la suite, il va s'élever contre les saints du Très-Haut et contre le Très-Haut lui-même. Il va chercher, et c'est ce que nous lisons dans le verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer le calendrier et la Torah, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ensuite viendra le jugement. Nous pouvons dire donc que le quatrième empire, il a ceci de particulier, c'est qu'il met le comble au péché. Cette idée d'un comble, nous l'avons déjà rencontrée le premier soir, quand nous avons parlé du point de non-retour. Dieu est un Dieu patient. Un Dieu qui sait de quoi nous sommes faits, qui sait de quoi est fait l'homme. Et Dieu use de patience et de miséricorde envers l'homme. Bien que cet homme se révolte contre lui, Dieu restreint sa toute-puissance. Dieu restreint sa justice et il laisse les hommes suivre leur chemin. Ce qui souvent d'ailleurs est un grand problème pour les hommes de Dieu, notamment pour le livre des psaumes. Et souvent le psalmiste interroge le Seigneur et dit « Seigneur, mais comment se fait-il que les méchants prospèrent ? Comment se fait-il que tu n'interviennes pas pour faire cesser les scandales qu'il y a sur la terre ?» Vous connaissez ce psaume d'Asaph qui disait « J'étais sur le point de succomber, mon pied était sur le point de glisser quand j'ai vu le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente devant leur vie, dans leur vie. Tout leur réussit. Et les justes, au contraire, sont constamment frappés. Alors quand j'ai vu ça, je me dis, mais si c'est comme ça, moi je vais aussi faire comme les méchants. Je vais tromper, je vais opprimer, je vais user de violence. Et dit, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et heureusement, quand je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai compris quel était le sort final des méchants. Bon, on va essayer de comprendre un peu plus. C'est un problème auquel nous sommes certainement heurtés les uns les autres. C'est le grand problème de l'homme moderne. S'il y avait un Dieu de justice, un Dieu bon, pourquoi ce Dieu bon permet-il tout le mal qu'il y a sur la terre ? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas contre les méchants ? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté Hitler dans sa folie avant qu'il ne commette l'irréparable, déclenche la guerre mondiale et la Shoah ? Pourquoi Dieu a-t-il laissé Pol Pot anéantir des millions de personnes au Cambodge, etc. S'il y avait un Dieu juste, s'il y avait un Dieu bon, disent les braves gens, entre guillemets, toutes ces choses n'arriveraient pas. Ça, c'est le discours des insensés. Dieu accepte de patienter. Si Dieu intervenait rapidement, alors il empêcherait toute possibilité de repentance de la part des méchants. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Et c'est la raison pour laquelle Dieu donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent. Je vous ai parlé de la Jézabel de l'Apocalypse dont il est question dans une des lettres, la lettre à l'église de Thyatire. Et le Seigneur dit de cette femme à Jean, « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir. » Paul dit cela aussi dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. S'adressant au pécheur impénitent, il lui dit, « Est-ce que tu ne te rends pas compte que la patience de Dieu à ton égard ?» On traduit d'un vieux mot français, « sa longanimité », ça veut dire la même chose, la patience de Dieu, « te pousse à la repentance ». Mais voilà, le drame, c'est que 9 fois sur 10, le méchant se méprend totalement sur cette patience de Dieu. Et comme le dit le psalmiste, le méchant dit « Dieu ne fait ni bien ni mal ». Ça veut dire « Dieu est faible ». Et puisque Dieu est faible, puisque Dieu fait ni bien ni mal, moi le méchant, j'aurais tort de me priver. Puisque tout réussit et que Dieu n'intervient pas, continuons, avançons toujours plus dans le mal. Pierre nous dit quelque chose comme ça aussi. Il nous dit, les hommes impies avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Mais Paul avertit ce méchant qui s'endurcit dans son péché. Il dit, attention, tu te méprends complètement sur la patience de Dieu. Dieu n'est pas faible comme tu l'imagines. Dieu est seulement patient. Et si tu refuses de te repentir, Dieu tient des comptes dans le ciel. C'est comme un compte en banque. Tu ajoutes de l'argent et un jour tu retrouveras ce compte que tu as déposé dans le ciel, intérêt et capital. Et par ton cœur endurci et impénitent, dit l'apôtre, tu es en train de t'accumuler un trésor de colère pour le jour de la colère. Alors, nous nous trouvons quand même dans cette même interrogation. Pourquoi Dieu laisse-t-il, malgré tout, le méchant opprimer le juste ? Que Dieu fasse grâce au méchant en espérant sa repentance, qu'il lui donne du temps pour qu'il ait la possibilité de se repentir, on peut le comprendre. Mais parce que justement Dieu n'intervient pas contre les méchants, eh bien les justes souffrent injustement. Et ça, c'est le grand scandale des hommes de la Bible. C'est le scandale de Job, par exemple. C'est le scandale du psalmiste d'Asaph dont nous avons parlé. D'une certaine manière, c'est aussi le scandale du livre de l'Ecclésiaste. La réponse est celle-ci. Parce que si Dieu faisait justice aux justes, il empêcherait le méchant de se repentir. Alors, Dieu accepte pour un temps que le juste souffre injustement. Ça nous choque, c'est vrai. Et c'est pourtant une vérité biblique extrêmement profonde. C'est finalement ce que Jésus lui-même a subi à cause de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Seulement, cette patience de Dieu, elle n'est pas infinie, elle a un terme. Il y a un moment où il y a le comble qui est mis au péché. Cette expression, on la retrouve souvent dans la Bible. La première fois, c'est en relation avec Sodome. Sodome a mis le comble au péché. Et arrive un temps, nous en avons parlé déjà ces jours, où la colère de Dieu devient irréversible. C'est lorsque le Pharaon endurcit son cœur, lorsque Ménaché a fait pécher Israël, nous avons évoqué toutes ces choses. Et là, Dieu n'a plus aucune raison d'attendre. Il est maintenant certain que le méchant de toute manière ne se repentira pas. Et par conséquent, pourquoi attendre encore? Pourquoi laisser souffrir les justes encore? Et quand on arrive à ce point de non-retour, à ce point où le péché est à son comble, Dieu intervient par ses jugements. Et le jugement des méchants et la délivrance des justes, et le salut des justes. Le juste se réjouit du temps du jugement de Dieu. Le méchant s'en attriste, parce qu'il sait que son jour arrive. Mais quand le Seigneur se lèvera pour exercer ses jugements sur la terre, ce sera la délivrance ultime et finale des justes, comme les jugements de l'Égypte ont été le signal de la délivrance du peuple d'Israël qui s'y trouvait captif. Quand prendra fin la patience de Dieu? Notre texte ici nous le montre. Quand l'humanité aura mis le comble à son péché. Quand elle sera arrivée à un état d'endurcissement tel que tout retour en arrière sera devenu impossible. Je lui ai laissé du temps pour qu'il se repente. Et voilà, Dieu a laissé à l'humanité, depuis la venue de Jésus, un long temps de grâce, très long temps de grâce. Ce temps, nous en avons parlé ce matin, Jésus l'appelle le temps des nations. Temps où les nations, toutes les nations qui sont sous la terre, vont avoir l'occasion d'entendre l'Évangile. Depuis Jérusalem, l'Évangile va sortir, comme Jésus l'avait dit à ses disciples quelques jours avant la Pentecôte, le jour de l'Ascension. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que tout être humain ait l'occasion de saisir cette parole de grâce qui lui permettra d'être sauvé, et que la repentance et le pardon des péchés, nous en avons parlé ce matin, soient annoncés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais les textes bibliques, et notamment ici notre texte, nous annoncent que viendra un temps où l'humanité, emmenée par ce quatrième empire, contrôlé par ce quatrième empire, mettra le comble à son péché, mettra le comble au blasphème. Et ce qui s'est passé à Sodome se reproduira au temps de la fin, d'ailleurs Jésus nous dit cela. Jésus compare ce qu'il appelle la génération dernière avec deux autres générations qui ont été les deux générations les plus perverses et les plus pécheresses de toute l'histoire humaine. La génération de Noé et la génération de Lot. Ce qui arrivera au temps de Noé, ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Ce qui arrivera au temps de Lot, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ça veut dire, nous nous retrouverons alors dans le même état de dépravation, d'endurcissement, de blasphème contre Dieu, que celui qui a caractérisé ces deux autres générations qui ont subi le jugement de Dieu. Ces générations qui ont mis le comble au péché. Et le drame de cette quatrième bête, c'est qu'elle met effectivement le comble au péché. Non seulement pour elle-même, mais qu'elle entraîne la majorité de l'humanité dans cette révolte ultime contre Dieu. Cette révolte que le Nouveau Testament appelle également l'apostasie. Il y a dans le judaïsme, une notion que les chrétiens ne connaissent pas, qui est tirée du psaume 78, c'est la notion de la génération dernière. Le psaume 78 nous dit ceci. Ce que nos pères nous ont raconté, ce que nous avons appris de leur bouche, nous le redirons à nos enfants, à la génération qui viendra. Et cette génération se lèvera, et la redira à leurs fils, et leurs fils le rediront à leurs fils, de génération en génération, jusqu'à la génération dernière. Ça, c'est mal traduit dans nos Bibles. Parce qu'on ne connaît pas ce concept de la génération dernière. Afin que cette génération-là ne soit pas ce qu'a été la génération des pères, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas droit, une génération de laquelle j'ai dit « ils n'entreront pas dans mon repos ». L'explication des sages sur ce texte est la suivante. La génération première, c'est la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et le but de Dieu, le plan de Dieu, c'était qu'ils entrent dans la terre promise. Et ça, Satan le savait. Et Satan a fait tout son possible pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Il a multiplié les épreuves et les tentations du peuple d'Israël dans le désert. Et son plan a parfaitement réussi, puisque sur 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte, Deux seulement sont entrés dans la terre promise, tous les autres sont morts dans le désert. Et le psalmiste, dans le psaume 78, nous dit ceci. La dernière génération risquera de subir le même sort. Il y a un parallèle entre la première et la dernière génération. La première génération était destinée à entrer dans la terre promise. La dernière génération est destinée à entrer dans le royaume messianique. Et de la même manière que Satan a fait tout son possible pour empêcher la première génération d'entrer dans la terre promise, il fera tous ses efforts pour empêcher la dernière génération d'entrer dans le royaume messianique, et il multipliera les épreuves et les tentations exactement comme il l'a fait pour la première génération. Et voilà justement, le psaume est écrit pour déjouer les plans de Satan, pour déjouer les plans de l'adversaire. Pour que cette dernière génération ne meure pas dans le désert, ne participe pas à cette révolte, qu'est-ce qu'il faut ? Enseigner de génération en génération ce que nos pères nous ont raconté. Vous trouvez une allusion à ce midrash dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Il nous dit ceci. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont été baptisés par Moïse dans la mer, que... ils ont mangé et bu un breuvage spirituel. Ce breuvage les suivait. Ce rocher qui les suivait, et ce rocher était le Messie. Et pourtant, il rappelle ces choses, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, et ils périrent dans le désert. Or, nous dit l'apôtre, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Que cela soit écrit pour la génération dernière. Pour que, tirant leçon de ces exemples, cette dernière génération, avertie en tout cas, puisse ne pas tomber dans les mêmes pièges que ceux dans lesquels la génération première est tombée. Et justement, ce qui risquera d'entraîner cette génération dans la révolte contre Dieu, c'est l'action de cette quatrième bête, qui sera enveloppé de la puissance de l'adversaire à un point que nous ne pouvons même pas imaginer, et qui entraînera l'ensemble d'une humanité dans cette ultime révolte de la génération dernière, ultime révolte que le Nouveau Testament appelle également l'apostasie, ça veut dire la grande révolte contre Dieu. Et quand on a dépassé ce point de non-retour, alors Dieu va sortir de son silence. Dieu va sortir de son repos. Là, on arrive dans une situation qui n'est plus acceptable, une situation qui est intolérable. C'est la gloire même de Dieu qui est atteinte, et c'est Dieu qui se doit de réagir. Et alors que cette bête est en train de répandre cet esprit de révolte dans le monde entier, est en train de multiplier ses blasphèmes, ses méfaits sur la terre. Dans le ciel, Daniel voit une scène étonnante. Dans le temple céleste, on va nous parler du temple tout à l'heure. Le temple, c'est non seulement un lieu où on adore Dieu, mais c'est aussi un tribunal suprême. Quand le temple existait à Jérusalem, il servait de ce qui correspondrait aujourd'hui en France à la cour de cassation. Quand on avait un procès qu'on contestait, alors, on se tournait vers le grand prêtre, et le grand prêtre jouait le rôle de juge suprême. C'est lui qui tranchait en dernier ressort. Le temple était donc aussi un tribunal. Il y a un temple terrestre, mais il y a aussi un temple céleste. Et le temple terrestre n'était rien d'autre qu'un reflet du temple céleste. Et soudain, Daniel voit le ciel ouvert et ce temple céleste. Et dans ce temple céleste, on installe un tribunal, un trône, sur lequel le juge suprême prend place. Ce juge, il n'est autre évidemment que le Seigneur lui-même, Dieu. Puis, la cour apparaît. Les actes d'accusation qui sont mentionnés dans des livres, qui vont être ouverts et qui vont être lus. Et le procès se déroule, le procès de cette quatrième bête. Et en dernier ressort, la sentence est prononcée sur cette bête. La sentence, c'est la mort. La bête est condamnée à mort. Et c'est alors que sur les nuées du ciel apparaît, nous est-il dit, un fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est une expression, bien sûr, que nous rencontrons souvent dans le Nouveau Testament, j'y reviendrai demain. Jésus se l'appliquait lui-même. Le Fils de l'homme, c'est le juge, celui qui va avoir pour mission d'accomplir la sentence de mort qui a été prononcée contre la bête. Et cette bête va être mise à mort, tuée. Et à la place de la bête, il va y avoir le règne du Fils de l'homme. Non seulement le Fils de l'homme va éliminer cette bête, et par conséquent toutes les puissances des ténèbres qui l'animent, mais il va régner à la place de cette bête sur l'univers tout entier. Alors, on se pose la question, mais qui est le Fils de l'homme en question? Il y a deux réponses à cela. La première, celle que donne l'ange à Daniel, c'est le peuple des saints du Très-Haut. Le peuple des saints du Très-Haut, c'est Israël. Et là, le Fils de l'homme est en tout point comparable avec la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main qui vient frapper les pieds de la statue dont nous avons parlé hier. C'est la même image sous une forme différente. Et non seulement il s'agit là du royaume d'Israël, mais souvent, comme c'est le cas pour les bêtes, comme pour les royaumes, quand la Bible nous parle d'un royaume représenté par une bête, c'est à la fois le royaume lui-même et le roi de ce royaume. Ça veut dire que le Fils de l'homme, c'est non seulement le peuple d'Israël qui va supplanter cette quatrième bête qui est Rome, nous en avons vu ce matin, donc nous retrouvons ici ce que Jésus avait annoncé. Jacob, Israël, finira par dominer Rome et Dôme, Rome et Ésaü au temps de la fin. Mais également, c'est le chef de ce royaume, le roi d'Israël, le Messie. C'est pourquoi Jésus parlait du Fils de l'homme en parlant de lui-même en tant que juge des derniers jours, celui qui viendrait établir le royaume de Dieu, roi du royaume de Dieu. Et par conséquent, il y a une grande différence, et ce sera mon dernier mot, entre les royaumes humains et le royaume de Dieu. Les royaumes humains, nous en avons parlé tout à l'heure, ils sont représentés par des bêtes. Ça veut dire, ce sont des empires bestiaux, sans cœur, sans entrailles, des empires diaboliques. Ces empires, comme le disait Jésus dans le texte que nous avons évoqué ce matin dans Luc 22, ces rois se font appeler bienfaiteurs alors qu'ils tyrannisent leur peuple. Mais le roi du cinquième royaume, le royaume de Dieu, n'est pas représenté par une bête, mais par un être humain. Ben Adam en hébreu, un fils d'homme, ça veut dire tout simplement un être humain. Les empires diaboliques sont des bêtes. Le royaume de Dieu est un être humain. Ça veut dire qu'il a un cœur d'homme. Il a des sentiments humains. Il a des sentiments de compassion. Et dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, le Messie est représenté comme celui qui fera régner la justice dans le monde. Il aura égard aux pauvres et à l'opprimé, ce que ne font pas les grands de ce monde. Et du souffle de sa bouche, de l'esprit de sa bouche, il fera périr le méchant. Alors le loup habitera avec l'agneau et une terre pacifiée sortira justement de cette grande révolution qui marquera le temps de la fin. Je conclus. Nous arrivons à ce stade où l'esprit de révolte, l'esprit d'apostasie, l'esprit de ce quatrième royaume est en train de faire des ravages dans le monde entier. Il y a, comme le dit l'apôtre Paul, une puissance d'égarement aujourd'hui dans le monde pour que les hommes et les femmes croient aux mensonges. Et c'est dans cela que nous arrivons à cette conclusion que le Seigneur ne peut plus tarder maintenant dans ses jugements. Jésus disait, « Lorsque ces choses commenceront d'arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Au moment même où les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera, parce que même les puissances des cieux seront ébranlées, vous, au contraire, réjouissez-vous et dressez votre tête. Ça veut dire, ces temps qui viennent seront des temps terribles pour les méchants, mais ce seront des temps de libération et de salut pour les justes. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important dans le temps dans lequel nous sommes de choisir son camp. Nous sommes dans un temps où, comme le dit le Seigneur à Jean dans l'Apocalypse, la tiédeur n'est plus possible. L'entre-deux n'est plus possible. Il faut être froid ou bouillant. Il faut choisir son camp d'une manière absolue, d'une manière délibérée. Et Jésus disait, priez pour avoir la force d'échapper à ces choses qui surviendront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comment échapper à ces choses? Je vous ai parlé de la génération dernière tout à l'heure. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour que nous ne tombions pas dans les pièges dans lesquels ils sont tombés. Et par conséquent, le Seigneur nous invite, Paul nous invite, et la Bible nous invite à une relecture de ces événements, pour que nous puissions tirer des leçons pour aujourd'hui, pour notre temps. Dieu nous avertit, comme le disait le livre d'Apocalypse, que Satan est venu vers nous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, que son but, c'est de faire en sorte que même les élus soient perdus si c'est possible, mais ce n'est pas possible parce que Dieu empêchera cela. Mais ça veut dire qu'il faut tenir ferme jusqu'au bout. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Heureux celui qui attendra, car il atteindra le but. C'est une reprise de ces paroles de Daniel. Ces choses ont été écrites pour la génération dernière. Et nous sommes la génération dernière. Elles ont été écrites pour que nous en tirions d'abord un encouragement. Que nous sachions que précisément l'épreuve qui est devant nous est une épreuve courte. Le Seigneur revient vite. Et il va nous délivrer de cette épreuve. Et les jugements des méchants vont nous permettre d'entrer justement dans la possession de notre héritage. Donc c'est une parole d'encouragement. Ces choses ont été écrites pour la génération dernière, pour qu'elle ne se laisse pas décourager par les attaques de l'adversaire. Et notamment pour les jeunes au milieu de nous, qui sachent qu'il faut tenir ferme encore un peu de temps et que la délivrance est proche maintenant. Et puis deuxièmement, ces choses ont été écrites pour la génération dernière, pour que nous puissions également tirer les leçons des échecs de ceux qui nous sont précédés. Ne soyons pas ce qu'ils ont été, nous dit l'apôtre Paul. Et le Seigneur, qui s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, ne permettra pas que nous soyons éprouvés, que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il enverra le moyen de sortir de la tentation. C'est dans le même texte, c'est dans le même contexte, cette promesse-là. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités ce soir à non seulement prendre courage, choisir le camp et revenir à la loi et au témoignage, à la Torah et au témoignage. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas de même des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Voie des justes ou voie des méchants, j'ai placé devant toi deux voies, deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction, le chemin de la vie, si tu mets en pratique toutes ces paroles que je te prescris aujourd'hui, le chemin de la mort, si tu t'en détournes. Ces deux chemins sont devant toi. Choisis. Tu peux être froid ou tu peux être bouillant, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il faut choisir son camp. Choisis la vie afin que tu vives.